Les bonnes. Bon, binak c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sous nos mamines, Falan moi et les anciens combattants. Les bon, comme sous nos mamines, ils ont roulé ensemble pourquoi qui a fait le bâton et tout. Donc, nous avons dit que nous avons après nous avons musique. Après, genre, là, c'est Madame Ouer, quoi, nan, Allah, Allah, Allah, du Wazifa, quoi, du Wazifa, voilà. Les gens, Benubis, ni Wazifa, Allah, Allah, Allah, Allah, dès qu'il y a une scène allemande, les gars commencent, Allemand, Allemand, Allemand, Allemand.